Arc-en-ciel, bonjour, un petit peu de retard à l'antenne. 16h passées de 9 minutes, presque 10 minutes, sur le 96.2. Je n'ai pas en temps, mais il y a eu un problème. Ça arrive. Et c'est samedi, c'est le petit bal du samedi soir jusqu'à 18h. Bonne écoute sur le 96.2. Invitation Madison, Daniel Roger, Linda Grassi. On continue avec la princesse belge de l'accordéon, Erika, et la Paloma Blanca. Thank you. Et on continue avec l'orchestre d'Alain Bringuet et Bénédicte Grimal. Et ce sera de Passo, la fiesta catalane. Et olé, olé. Bien entendu. Le 3 février, c'est-à-dire demain à partir de 15h, ouverture des portes 14h30. Vinci Loisir organise son après-midi dansant avec François Mazera à la salle polyvalente, 12 euros par personne, prix d'entrée, une pâtisserie offerte. Réservation à vinciloisir@gmail.com ou au 06 15 29 55 59 auprès de Monique. Il reste quelques places, dépêchez-vous. Dans 15 jours, c'est le 16 février, je recevrai entre 16h et 18h Elsa Gourdi, accordéoniste. Et le samedi suivant, 23 février, ce sera le tour de l'orchestre Nadine Coubier. Olé, olé, la fête recommence. Si vous avez la moindre défaillance, il n'y a rien de tel qu'une sangria pour faire monter la fièvre. Vacances tyroliennes à l'heure actuelle, ils volent sous la forêt, toujours par l'orchestre Alain Bringuet. C'est demandé de la part de Simone pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci et bon après-midi à tous et à toutes. information, une autre petite annonce. Une entreprise du bâtiment située à Ingré recherche en urgence des ouvriers dans le ravalement et la maçonnerie avec expérience souhaitée, sinon la formation est assurée. Merci de contacter Radio Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Nous nous donnerons les coordonnées de cette entreprise. Gilles Duté maintenant. Gilles Duté va nous interpréter l'accordéon du samedi soir. Accordéon du samedi, c'est toi qui fais danser toute la France, du nord jusqu'à la Provence, de la Bretagne à Paris. Accordéon du samedi, ce soir-là tu sens bon les vacances, avec ton clavier piano, où y a la bouton, les petits ballons du bon. Au bord de Lyon ou près de la Seine, la musique est la reine. Sous les lampions, il y a les frissons au son de l'accordéon. Les balles parquées, il y a cet instrument magique qui nous fait tout oublier. Allez, envoie-nous ta musique. Accordéon du samedi, ce soir-là tu sens bon les vacances, avec ton clavier piano, où y a la bouton, les petits ballons du bon. À que revienne la fin de semaine, pour aller tous ensemble voir ce bignou qui brille et qui joue de janvier à décembre. Quand c'est parti pour une belle série de valses, on entend vraiment que lui, on dirait un ange qui passe. Accordéon du samedi, c'est toi qui fais danser toute la France, du nord jusqu'à la Provence, de la Bretagne à Paris. Accordéon du samedi, ce soir-là tu sens bon les vacances, avec ton clavier piano, où y a la bouton, les petits ballons du bon. Et on continue bien sûr avec l'accordéon. Nous, on a rouvert les guinguettes avec Bénédicte Grimal à l'accordéon et l'orchestre Alain Bringuet. Thank you. java véronaise où les petites minettes font tourner leurs jupettes. C'est la java véronaise, Paris à ses guinguettes, Toulouse à ses violettes. C'est la java d'Aveyron, celle qui mène au cœur au même diapason. C'est la java d'Aveyron, pour un peu de bonheur, vas-y accordéon. On continue toujours bien sûr en accordéon avec Erika et ce sera Amazing Grace. Les vins d'entre deux mers sont des nectars super, des breuvages divins depuis des milliers. Petite erreur de manipulation. Ah, ça commence mal aujourd'hui. Hein. Voici Amazing. Catherine, je voudrais écrire ma plus belle chanson. Pour toi, Catherine, je voudrais aimer à perdre la raison. Pour toi, Catherine. Et quand ça commence mal, ça continue mal. C'est pas Erika, c'est Gilles Duthé. Pour toi, Catherine. Je voudrais chanter tous les mots du bonheur et enfin t'offrir cette mélodie. Elle te dira, tu es toute ma vie. Tu as toujours su me comprendre sans rien demander ni attendre. Tu m'as donné tant de joie. Par tes yeux, le son de ta voix. J'aurais trop de mots à te dire que je ne saurais les choisir. Je te dédie cette aile-là qui vient du plus profond de moi. Pour toi, Catherine, je voudrais écrire ma plus belle chanson. Catherine, je voudrais aimer à perdre la raison. Toi, Catherine, je voudrais offrir le meilleur de mon cœur. Pour toi, Catherine, je voudrais chanter tous les mots du bonheur et enfin t'offrir cette mélodie. Amoureux de toi, comme si c'était la première fois. Mais tout de sur le chemin, on marche en se tenant la main, en préservant l'harmonie de l'amour qui nous réunit. Pour toi, Catherine, je voudrais écrire ma plus belle chanson. Pour toi, Catherine, je voudrais aimer à perdre la raison. Pour toi, Catherine, je voudrais offrir le meilleur de mon cœur. Eh bien, on va écouter Yvon Franchet. Yvon Franchet, je l'ai reçu voilà quelques années. Au début, j'étais sur Radio Arc-en-Ciel. Un samedi après-midi, je me rappelle comme c'est aujourd'hui. Voilà, voici donc Yvon Franchet. Et ça s'appelle Beau soir de Vienne. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. J'emballe toutes les petites minettes. Je suis pas beau garçon, mais j'ai la façon de leur faire tourner la tête. Lorsque j'arrive avec mon nœud pape dans un bal musette, toutes les nanas se disent ce gars-là, qu'est-ce qu'il a l'air chouette. Je suis un dragueur, pas un bricoleur, je leur raconte des sornettes. Je suis PDG, je bosse à la télé, tennisman roi de la raquette. Je leur propose un week-end à Saint-Trope ou bien à Deauville. Et c'est comme ça que les petites nanas dans mon lit défilent. Thank you. l'histoire des mentes. Dans les romans photos, elles ne sont pas différentes des filles de caboulot. Qu'elles viennent aux soirées dansantes, je ferai ce qu'il faut. Je suis un dragueur, un vrai séducteur, j'en bats toutes les petites minettes. Je suis pas beau garçon, mais j'ai la façon de leur faire tourner la tête. Lorsque j'arrive avec mon nœud pape dans un bal musette, les nanas se disent ce gars-là, qu'est-ce qu'il a l'air chouette. Je suis un dragueur, pas un tricoleur, je leur raconte des sornettes. Je suis PDG, je bosse à la télé, tennisman roi de la raquette. Je leur propose un week-end à Saint-Trope ou bien à Deauville. Et c'est comme ça que les petites nanas dans mon lit défilent. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et sur la FM en couleur, on continue bien sûr en accordéon avec Yvon Franchet. Et ce sera Noix de coco. Noix de coco. Maintenant, c'est l'heure, maintenant. Tout à l'heure, c'était pas l'heure. C'est Amazing Grace, Erika. Thank you. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et c'est Pascal Tipel maintenant, Pascal Tipel qui nous interprète. Il nous interprète, ben je le vais trouver tout à l'heure, j'ai perdu. Et il y aura d'autres, Paloma Blanca. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Danser ce soir. s'intitule Butterfly. J'écoute l'accordéon, une valse demandée de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur, merci. Et j'écoute l'accordéon tous les samedis et tous les dimanches sur Arc-en-Ciel. Damien Poyard. Mes amis, c'est le chant de la mélancolie. Aujourd'hui, c'est pour lui que vous êtes tous ici réunis. Écoutez, écoutez ce chant synonyme de liberté. Oui, dansez, oui, tournez, car ce soir l'accordéon renaît. L'accordéon, parmi les bois, les monts, les vallées et les coteaux fleuris, il nous joue à travers ses musiques, les complaintes d'espoir. note de mille ans de vie. Il est bonheur, douceur, il est chaleur, il est dans nos cœurs et personne ne l'oublie. Si un jour vous passez tout au fond des forêts endormies, regardez, c'est là que l'accordéon est né. Tant de fois éloigné, un accordéon a ressurgi. Tout le temps, tous ces gens sur ses airs danseront son refrain. J'écoute l'accordéon parmi les bois, les monts, les vallées et les coteaux fleuris. Il nous joue à travers ses musiques les complaintes d'espoir, d'amour, de liberté, de la vie. Grâce à lui, nos souffrances s'oublient, portées par la mémoire de ses notes de mille ans de vie. Il est bonheur, douceur, il est chaleur, il est dans nos cœurs et personne ne l'oublie. Par la mémoire de ses notes de mille ans de vie. Il est bonheur, douceur, il est chaleur, il est dans nos cœurs et personne ne le son après tant d'années d'amour avec Gilles Dutet. Passé de 10 minutes sur le 96.2. Écoutez maintenant Damien Poyard et ce sera Bucaro. Bucaro composé par Maurice Denoux. Ah, vous allez me dire qui est Maurice Denoux? Je ne sais pas s'il vit toujours, je m'étonnerais d'ailleurs. Dans les années 60, Maurice Denoux a animé sur France Inter tous les samedis soirs à partir de minuit Interdance. Interdance, c'était le Tour de France des têtes dansantes, des balles, plutôt des balles à l'époque. Et voilà, il a écrit donc Bucaro. Thank you. pris en otage, à trop vouloir nous libérer. Nous avons cassé les images et nous les avons recollées. 100 fois on a fait nos bagages pour finalement nous retrouver. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore que je t'aime toujours, que je t'aime si fort. Après tant de nuits, de jours, il est doux de te faire encore l'amour par amour, l'amour aussi fort. Nous avons gravé sur le sable nos prénoms cœur à cœur serrés, comme des romantiques admirables qui ne savent rien démarrer. Nous rêvions d'être inoubliables, même si j'ai parfois oublié que j'ai souvent été coupable, que tu m'as toujours. Et encore une fois, après tant d'années d'amour, cette fois-ci par Damien Poyard. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Après tant de nuits, de jours, il est doux de te faire encore l'amour. Et on continue avec la fête du Musette, une valse avec Albert Hennebel. toujours en compagnie d'Albert Hembel, la fête du Musette, El Magico et actuellement Jordi Isborne. Et on continue bien sûr l'accordéon avec cette fois-ci, ce sera Sébastien Perrin. Les refrains du bal, chanté par Robert Desvoix. Le dimanche on s'en va danser, avec bien des amis ce qu'on aime, les jeunes, les nouveaux, les aînés. Et les autres qui sont restés les mêmes. Le printemps, l'hiver ou l'été, on retrouve le terrain d'aventure. Ce jour-là pour nous il est sacré, comme un coup de bonheur qui rassure. Écoutez les refrains du bal, sérénés dans leur récital. Ils donnent à tous les amoureux des larmes de joie dans les yeux. Écoutez les refrains du bal, ils sont d'humeur sentimentale. Ce soir juste dans les étoiles, toute la musique est en cavale. Le dimanche n'a pas son pareil, on le rêve jusqu'à la fin de la semaine. Samedi on prépare le réveil, quand arrive le grand jour, une aubaine. Avec le tango, la java, elle est plus belle la vie en musique. Entre le Madison, le cha-cha, pour un peu on est en Amérique. Écoutez le refrain du bal, sérénés dans leur récital. Ils donnent à tous les amoureux des larmes de joie dans les yeux. Écoutez les refrains du bal, ils sont d'humeur sentimentale. Ce soir juste dans les étoiles, toute la musique est en cavale. Ce soir jusque dans les étoiles, toute la musique est en cavale. C'est un air qui me rappelle un souvenir d'autrefois. Comme une histoire éternelle, un lien qui n'en finit pas. Quand la mer se fait légère et que le soleil s'y noie, je t'ai vu dans la lumière, le bonheur guidant tes pas. C'est un air qui vagabonde, tes cheveux blonds sous le vent. Lorsque ton parfum m'inonde, tu viens d'avoir 18 ans. Premier baiser sur la dune, premier câlin trop sucré. En compagnon de fortune, l'amour peut bien s'installer. Elle s'en va vers le ciel, la plus belle romance, poursuivi par la chance, en cortège de fleurs, elle réchauffe les cœurs. La plus belle romance,

jure pour toujours de n'aimer que toi. Que tu sois ma princesse, toi l'élu de mon cœur, mon grand bonheur, mon merveilleux amour. Saint-Paul de Vence, la Grande Bleue, le soleil du midi, pour une fille qui est trop jolie. Baiser salé dans les vagues, premier bain de minuit, comme une super embellie. Des coquillages ensablés sur la plage mouillée, et nos châteaux emportés. Un rendez-vous au lavant douce et sacré, sous la lumière de juillet. À Juan-les-Pins, un jour je l'ai rencontré, pour ne plus nous séparer. C'était entre toi et moi, c'était pas n'importe quoi, l'amour et la liberté, sous le ciel de Saint-Tropez, la tendresse d'un roman, nos cheveux aux quatre vents, quand on dansait cha-cha-cha, autant de Brigitte et Sacha. Autant de Brigitte et Sacha. Paris est loin, derrière moi, le train bleu me conduit, la paix des anges déjà m'éblouit. Et le sud me tend les bras dans le rêve de la nuit. Je ne pense plus qu'à lui, à ce grand amour brûlant en Méditerranée, qui ne finira jamais. La pluie n'est plus qu'un souvenir, c'est l'été. Notre histoire peut commencer. Le scénario va se baigner sur les flots, où dansent tous les bateaux. C'était entre toi et moi, c'était pas n'importe quoi, l'amour et la liberté, sous le ciel de Saint-Tropez, la tendresse d'un roman, nos cheveux aux quatre vents, quand on dansait cha-cha-cha, autant de Brigitte et Sacha. Je viens t'inviter pour que nous partions ensemble comme deux écoliers. J'ai le refrain plein la tête sur le rock'n'roll qui sentait si bon la fête, autant des idoles. Toi tu as tant de promesses au fond de tes yeux et des trésors de tendresse pour les jours heureux. Ce soir, l'aventure commence sur des souvenirs. Quand on veut saisir sa chance, chanter ses désirs. Entre le blues et la java, elles sont bénies ces années-là. C'est des cribbers avec les chats. Oh, sur un air de twist, les chaussettes noires fortissimo. Des chaises cassées à Medrano, comme un grand coup dans mon rétro. Sur un air de twist, Elodie, t'es ma princesse, Miss America. Mon printemps et ma jeunesse, je n'attends que toi. Tu ressembles à ces minettes du temps de papa, en mini jupe et soquette qui rêvait tout bas. Ce soir, j'ai pris ma monture, c'est mon Lambretta. plus là, vraiment fière allure. Tu es avec moi, destination l'autoroute, porte des lilas. Ça ne fait plus aucun doute, nous on s'aimera. Entre le blues et la java, elles sont bénies ces années-là. C'est Vic Rivers avec les chats. Sur un air de twist, les chaussettes noires fortissimo, du chasse cassé à Mélano, comme un grand coup dans mon rétro. Sur un air de twist. Des chaussettes noires fortissimo, des chaises cassées à mes bras nos, comme un grand coup dans mon rétro. Oui, sur un air de twist. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Aussi. Tu ignores mes larmes, tu parles et me redis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs se meurent. Passé de 48 minutes et 30 secondes. On est dans le succès de Franck Michael avec Damien Poyard jusqu'à 18h. On peut larguer les amas, jamais la mémoire ne peut s'effacer. C'est vrai qu'on cherche toujours l'impossible amour qui paraît si loin. Mais je n'imaginais pas que vivre sans toi, c'est vivre pour rien. Tu pars, tu me condamnes et j'ai mal quand tu me dis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs du mal aussi. Tu ignores mes larmes, tu parles et me. Les fleurs se meurent parfois d'ennui. Tu pars, tu me condamnes et j'ai mal quand tu me dis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs du mal. Ignore mes larmes, tu parles et me redis. Tous les bouquets se fanent, les fleurs se meurent. force, elle restait debout. Mamma mia, mia mia, ton courage nous fait du bien. Ton sourire vient nous dire, ça ira bien mieux demain. Mamma mia, mia mia, le bonheur déjà est loin. Dans ton regard, tout est possible, car tous ensemble on ne fait qu'un. La vie m'éloigne d'elle et elle me manque. Souvent je pense à elle, je lui chante. L'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel, José et Bruno. Jusqu'à 20h. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour l'accordéon de nos régions. Bonne soirée à tous et à toutes. secours. Eh bien voilà, il est pratiquement 18h, je pense, à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Je suis en compagnie d'un monsieur de Trénoux. Il n'a pas changé d'adresse, il habite toujours chez nous. Et il va nous raconter peut-être quelque chose sur Trénoux, je ne sais pas. La place de l'église existe toujours ? Existe toujours. Bonjour Michel. Et bonjour. Et José est toujours là ? Toujours José, la preuve, tu vois, il est là, en face de toi. Bruno, je te salue. Bonjour Michel. Comment tu te portes ? Moi j'essaie de me porter très bien. Après. Ouais, j'essaye quand même. Oui. Donc je pense que ça va aller quoi. Ah ben tu fais d'essayer, hein. C'est comme tout. Ouais. Bon, alors j'ai deux petites histoires. Une mignonne et une moins mignonne. Alors moins mignonne, je pense que c'est du côté de Trénoux. Non, c'est vrai. Il y a un général qui dit à José. Ah, pour changer. À quoi ça sert une mitraillette? Et José répond, à mitrailler, monsieur. À quoi ça sert un canon? À canarder, monsieur. À quoi ça sert un tank? Sans commentaire. On passe à la deuxième. Tout à fait, oui. Ah ben, c'est comme ça, hein. C'est la chanson de Sardou. C'est la chanson de Sardou. Ah. Tiens, entre parenthèses, t'as pas vu sur Internet, il est en fauteuil roulant, ça? Non, j'ai pas vu, non. Je le dis. Le petit José joue au train électrique sur le tapis du salon pendant que sa maman va à son repassage. Oui. La maman entend gare de Lille, gare des imbéciles, 2 minutes d'arrêt. La maman, José, s'il te plaît, surveille ton langage, sinon je t'envoie dans la chambre. Dans sa chambre. D'accord. Le petit Paul continue à jouer. Le petit José, pardon. Ouais, gare d'Angers, gare des PD, 2 minutes d'arrêt. La maman, Paul, cesse. Ah, je dirais, c'est Paul, hein. Cesse d'être grossier. Sinon, tu vas dans ta chambre. Quelques minutes, pas chez le petit Paul. Garde d'Avignon, garde des cons, 3 minutes d'arrêt. Donc, ça devient inquiétant. Ouais. Le petit Paul n'a pas le temps de finir sa phrase. Il prend une paire de gifles, sa maman l'envoie dans sa chambre. Le petit Paul pleure, hurle, trépigne, rien n'y fait. Le temps passe, la maman termine son passage, tout en pensant qu'elle a peut-être été un peu loin, un peu sévère. Elle finit par aller le chercher et le petit Paul peut reprendre son jeu. Le petit Paul recommence à jouer et après quelques minutes entend « Gare à Montparnasse, 2 heures de travail, 2 heures de retard, pardon, à cause d'une connasse. » Bon, on arrête, hein. Ben oui. Au mieux, hein. C'est bon, t'as fini, là. Avant qu'on soit viré, je parle avec le CSA. Ouais. Ouais. Vous faites votre émission, ça? Oui, on va essayer de la faire à deux, oui. Ah bon? Ah, parce que vous conseillez deux pour ça? Bah, c'est plus facile, là, non? Oui, à deux, c'est plus facile. Hein? Ça dépend de quoi tu parles. Hein? Non, mais j'ai décidé de les former tout le temps. Hein? Si je suis habitué. Bon, bah, si t'es habitué. Oui, bah, on continue. Pourquoi? On continue, puis on se retrouve samedi. Il n'y a pas de souci, si tout va bien. S'il n'y a pas 2 mètres de neige. Ah, bah, ça, c'est autre chose. Hein? Rien de prévu, que de la flotte. Que de la flotte? Ouais, normalement, ouais. La semaine prochaine, ouais, ils annoncent la flotte. En principe, le mois de février fait un temps. C'était le mois le plus dur, mais ça. Tout change. Ouais. Il est moins raide qu'avant. Ah oui, j'ai moins raide qu'avant, c'est même sûr. Hein. Voilà. De quoi tu parles, là? Bah, du mois de février. Ah, du mois de février. J'avais mal compris. Ça, de toute manière, l'esprit tordu, on sait d'où il est. Hein. Ça. Exactement. Hein? Exactement. Bah, t'as raison, de toute manière, il faut un peu. Hein. Voyons, bah, tu sais, si on rigole pas, c'est tout. Oh, punaise. Tout à fait. Bon, bah, je vous souhaite une bonne émission. Bah, merci Michel, bon week-end à toi. Avec Google. Allez. On te donne rendez-vous demain, 12h30. Ah, yavol. Bon, bah alors. Yavol, Mayer. Dame quelque chose. Rentre bien à la maison. Oh oui. Oh oui. Allez, bon week-end, Michel. À vous. À bientôt, bon week-end. Merci.